Enfant bulle, enfant lune, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse. Mon enfant bulle, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Je sais que c'est pas ta faute, viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse. Mon petit miroir, j'espère que tu fais de beaux rêves au fond de ton plumard. Il est 3h et je fais du son histoire de nous faire quelques ronds pour plus tard. Je pense à l'avenir vu les embûches qui t'attendent sur cette route. Depuis qu'un pédopsie a mis quelques mots sur mes doutes, j'espère que je te transmets l'amour d'un bon parent. Malgré les comptes à rendre, pour toi je suis prêt pour le parcours du combattant. Toujours à cran parce que toutes leurs moqueries jouent sur ma corde sensible. On restera liés jusqu'à ce que mort s'en suive. J'admire ton regard sans filtre et puis ton insouciance. Au fil du temps j'ai appris à traduire ce qui camoufle ta souffrance. C'est plus des liens qu'on a créés, c'est carrément de l'or. Donne-moi la main, nous ne ferons qu'un séparé en deux corps. Entre les rendez-vous et les factures, il faut que je gère le blues. Monte sur mes épaules, décroche la lune, on les emmerde tous. La société nous dévisage, mais putain qu'elle connaît. Vu leur normalité, tu peux être fier de ne pas être comme eux. Enfant bulle, enfant lune, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse. Mon enfant bulle, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Je sais que c'est pas ta faute, viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse. Demain faut que je monte sur scène dans une grande salle qui n'est pas sûre d'être pleine. Je porte un lourd poids sur mes épaules quand t'es plus sur les miennes. Des mots résonnent à force d'être noyé dans les papras. MDPH, classe Ulysse, AVS, c'est SAD, force. Aux parents d'enfants autistes qui se battent pour l'avenir de leurs gosses mais qui inévitablement se sentent fautifs. J'essaie de garder le sourire, mais cette image me coûte lorsque je te lâche la main dans les couloirs d'un hôpital de jour. L'orage gronde ce soir et si t'as peur viens te coucher dans mes bras. Tu sais même derrière le ciel le plus sombre se cache une bonne étoile. Malgré les coups de tonnerre, cet instant est magique. Quand tu t'endors bercé par le bruit de la pluie qui frappe sur la vitre. Fais de beaux rêves petit miroir. T'as trouvé le sommeil avant que je finisse la petite histoire. Je te rejoins dans ton sommeil vu que c'est l'endroit qu'on peut atteindre nos rêves. Souris-moi au réveil et ce jour banal vient un matin de Noël. Enfant bulle, enfant lune, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse. Mon enfant bulle, laisse-moi rentrer dans ton monde. Juste le temps d'un sourire, le temps d'un regard ou le temps d'une seconde. Je sais que c'est pas ta faute, viens dans mes bras pour que ça estompe le nombre de fois que j'ai dû te dire je t'aime sans avoir de réponse.